L'ensorcelé par Jean Berthe-Roy. Ce soir-là, on dansait sous les châtaigniers du puits de Pariou. C'était la fête de Saint-Alyre, et toute la jeunesse des villages voisins avait gravi les pans de la montagne jusqu'à l'esplanade, où les joueurs de musette, assis en rond, tiraient de leurs instruments les sons perçants et grêles que l'on entendait résonner de loin dans le grand silence des routes ombreuses. La lune, qui croissait encore, éclairait largement cette place nue, et les jupes rouges des filles et les vestes bleues des garçons se mêlaient dans les gestes de ces rondes primitives en lesquelles la vieille Auvergne revivait son lointain passé. Et malgré l'animation des visages, un peu de tristesse grave et solennelle montait du sol antique foulé par tant de générations d'hommes. « Viens-tu, Catherine ?» cria la voix sonore d'un des jeunes gens qui menait la ronde. À travers une allée broussailleuse, une grande fille venait d'apparaître. Son châle noir abattu sur son front cachait entièrement sa chevelure, mais on voyait l'éclat extraordinaire de ses yeux verdâtres qui luisaient comme des lucioles dans la nuit. Et comme par enchantement, les joueurs de musette s'étaient tus et la danse s'était arrêtée. Tous les regards s'étaient tournés vers celle qui approchait à pas lents, le sein gonflé de mystère. Elle pouvait avoir 25 ans. Bien que vêtue à peu près comme les autres femmes, elle ne ressemblait à aucune. Droite et haute, les épaules rejetées en arrière, les reins cambrés, elle évoquait l'idée d'une créature surgie directement de la terre comme les arbres et les plantes qui l'entouraient. Le clair de lune étendait devant elle une nappe blanche, et l'ombre des marronniers brodait à ses pieds des arabesques. Ses mains brillaient, croisées sur son châle noir. Sans rien dire, elle avait pris place dans la ronde interrompue, et maintenant une ardeur singulière animait les jeunes hommes. Tous étaient amoureux de Catherine ou prêts à le devenir. Un charme secret sortait d'elle, dont on ne pouvait expliquer la cause, car elle était muette de naissance, et nul ne pouvait se vanter de connaître ses sentiments intimes. On prétendait qu'à certains jours, sa langue se déliait et qu'elle parlait, mais le son de sa voix, personne ne l'avait jamais entendu, et cela ajoutait encore à son prestige, à l'ensorcelante magie de ses yeux verts. Pourtant, sa vie était simple. Orpheline, elle avait été élevée depuis l'âge de 10 ans dans une des fermes de la montagne. Elle y demeurait encore, participant à tous les durs ouvrages auxquels les hommes et les femmes s'employaient indistinctement, menant la charrue, battant le blé et soignant le bétail qu'elle savait préserver ou guérir de toutes les maladies, pourvu qu'on la laissât libre de préparer elle-même les remèdes qu'il fallait. Souvent, le père Blaise, le fermier, et sa femme, la Blanchette, la laissaient seule à la maison, et s'en allaient porter en ville leurs œufs et leur fromage. Catherine suffisait à tout, et cette fille qui ne parlait point, qui n'avait jamais étudié dans aucun livre, en connaissait autant que les mieux instruits. Sortilège. En ce moment, les mains prises dans la ronde, elle laissait ses jambes galoper éperdument. Son châle avait glissé de ses épaules, et son buste ferme et bombé s'évasait d'un corselet de velours, et ses prunelles vertes devenaient phosphorescentes dans la nuit. « Regarde-la !» dit l'une des jeunes filles en se penchant sur l'épaule de son voisin. « Ne dirait-on pas qu'elle va au sabbat ?» Celui à qui elle parlait était Jean-François, le premier qui avait interpellé Catherine quand elle était apparue en haut du sentier. Il loucha la tête pour ne répondre ni oui ni non. Lui aussi était amoureux de la belle fille, et ce soir, son amour, qu'il avait contenu longtemps, se répandait dans ses veines et le remplissait tout entier. Il lui tardait que la fête fût finie pour se rapprocher de Catherine et la reconduire à travers les chemins broussailleux jusqu'à la ferme du père Blaise. Mais acceptera-t-elle qu'il l'accompagnât? Il en doutait. Tout à coup, il se détacha de la ronde. « En voilà assez. Je suis là. N'est-ce pas minuit qui sonne là-haut ?» Un petit clocher debout sous la lune égrenait lentement 12 coups dont la vibration se prolongeait, s'enflait dans l'air cristallin de cette nuit sans nuages. Alors, toutes les mains se dénouèrent, un souffle d'au-delà passa sur la foule, tous les visages devinrent pensifs. Catherine était restée seule au milieu de l'esplanade, vaste et nue. Petit à petit, les groupes s'étaient dispersés. Elle jeta un regard sur l'épaisse forêt qui vêtait de ténèbres la montagne. Le sommet du Pariou, où dormait un ancien volcan, surgissait de cette ceinture de feuillage, et le grand dôme, le petit dôme, d'autres montagnes encore, d'autres puits, d'autres volcans éteints peuplaient l'horizon comme des géants muets et redoutables. Catherine étendit les bras à l'Orient et à l'Occident. Sa silhouette sembla grandir démesurément. Elle resta un moment immobile, interrogeant l'espace. Puis, repliant son châle sur sa poitrine, elle se dirigea vers le sentier qui se perdait dans la nuit. Mais Jean-François la guettait dans l'ombre. Quand elle passa près de l'arbre derrière lequel il se tenait tapis, il sortit doucement pour se joindre à elle, et pendant un instant, ils marchèrent côte à côte, silencieux. Le garçon tremblait malgré sa hardiesse. Le mutisme de Catherine le gênait horriblement. Il ne savait comment s'y prendre pour lui faire accepter son amour. Car, étant brutal, il ne l'osait point, retenu par une sorte de crainte superstitieuse. Ne l'avait-il pas vu tout à l'heure au milieu de l'esplanade, invoquant sans doute les esprits infernaux avec qui il était en communication directe? Et pendant la ronde, qu'était-ce que cette lumière glauque qui scintillait dans ses yeux et faisait resplendir comme du marbre son visage si blanc, plus blanc que celui de toutes les autres femmes? Ah, si l'attrait qu'il ressentait pour elle était impérieux, il redoutait aussi, il redoutait de tout son être, ces forces obscures, indéterminées, dont ses ancêtres, les Arvernes, avaient éprouvé les maléfices et qui survivaient encore sous cette terre millénaire. S'il croyait en Dieu, il croyait encore plus au diable, aux sorciers, aux influences pernicieuses du monde invisible. À côté de la belle fille, riche de vie, Jean-François pensait aux épouvantes de la mort. Cependant, il continuait à cheminer si près d'elle que parfois leurs épaules se frôlaient un peu. Alors, il tressaillait et la regardait à la dérobée. Le profil orgueilleux de Catherine, son admirable chevelure d'un brun roux qui semblait se zébrer de flammes, tout ce qui formait sa beauté jeune et vivante, portait à son comble les mois dont il était possédé. Il s'enhardit tout à coup jusqu'à passer son bras autour de la taille de Catherine, et en même temps il trouvait des phrases éloquentes. « Je t'aime, Catherine. Ne me repousse pas. Je t'assure que je ne te veux que du bien. Nous pourrions nous marier ensemble et manger le même pain. Qu'importe que tu sois muette, puisque tu peux entendre mes paroles. Tu sais que j'ai au bout de mes poignets deux mains solides qui ne demandent qu'à travailler. Tu ne te plaindras pas d'être ma femme. Personne dans toute la contrée n'aura de plus beaux habits que toi. » Et comme si cette promesse l'autorisait déjà à prendre des arrs, Jean-François, avidement, se penchait sur le visage de sa compagne. Mais à cet instant, un éclair fendit la nue et un coup de tonnerre le suivit, roulant son vacarme dans le vide. Épeuré, Jean-François rebroussa chemin, laissant Catherine s'éloigner sous le ciel devenu tragique. 8 jours après, Catherine était seule un matin dans la ferme du père Blaise. Elle était occupée à ranger des sacs de grains au fond de la cour, lorsqu'il vit arriver Jean-François, qui menait au bout d'une corde une vache rousse. La bête avançait d'un pas hésitant, le poil terni, la tête tombante entre les jarrets. « Ma vache est malade, » dit Jean-François, « et je viens pour que tu lui donnes un remède. » Catherine regarda tour à tour l'homme et la bête. Elle comprenait qu'il y avait là quelque subterfuge, un prétexte pour se rapprocher d'elle, sans doute. Cependant, la bête mugissait. Il était visible qu'un mal cruel torturait ses flancs. Catherine s'apitoya. Pourquoi n'essaierait-elle pas de la guérir? Elle fit signe à Jean-François d'attendre et, ramassant la corde qu'il avait laissée traîner à terre, elle ouvrit la porte de l'étable. Une forte odeur d'ammoniaque se répandit dans la cour. Un air chaud se mêla à l'air léger du matin. Mais déjà, Catherine avait refermé la porte sur elle et sur la bête docile qui la suivait. Un quart d'heure se passa, une demi-heure peut-être. Jean-François trouvait le temps long. Il s'ennuyait dans cette cour de ferme déserte. Il avait rêvé autre chose, un accueil plus encourageant, une vigoureuse accolade, comme les filles et les garçons en échange quand ils sont prêts de s'accorder. Et Catherine avait à peine fait attention à lui. Elle avait disparu tout de suite avec cette allure d'indifférence orgueilleuse que son mutisme accentuait encore. Sans doute trouvait-elle une satisfaction méchante à le laisser poser ainsi parce qu'il l'avait abandonnée l'autre nuit toute seule sur le chemin. Mais il aurait sa revanche. Tout à l'heure, quand elle sortirait, il se jetterait sur elle et l'on verrait bien lequel était le plus fort. Jean-François sentait de petites morsures passer dans ses bras robustes. Sa poitrine se pressait comme s'il eût soulevé un poids trop lourd. Une irritation, une souffrance aussi, lui brûlait la gorge. Il poussa un jurement terrible qui fit aboyer le chien, attaché à une chaîne contre le mur du hangar. Enfin, Catherine sortit de l'étable, poussant devant elle la vache rousse qui mâchonnait encore des tiges de plantes ligneuses. Face à face, Jean-François la regardait. Catherine comprit-elle son double sentiment, son animosité, son amour et la mauvaise intention qui l'animait en cette minute? Elle lui tendit d'un geste simple la corde qu'il s'était passée au poignet. Mais au lieu de la prendre, Jean-François appuya ses mains dures sur les épaules de la jeune fille, il chercha à l'enlacer. Un éclat de rire, aussi offensant qu'une insulte, lui répondit. Catherine le raillait. Elle n'avait point peur de sa force brutale. Elle le dominait par une autre force, plus redoutable, qui se levait en elle et la rendait pareille à une statue de marbre. Et le désir de Jean-François s'était évanoui tout à coup. Cette bouche, si près de la sienne, ne lui inspirait maintenant aucun émoi. Il se trouvait humilié et rapetissé comme un enfant qui a reçu une leçon sévère. Il avait presque envie de pleurer. Sans lever les yeux, il balbutia quelques paroles confuses, puis il s'éloigna, sa vache sur les talons. L'éclat de rire de Catherine le poursuivit le long des chemins, où les coquelicots mettaient eux aussi l'éclat de leur rire orgueilleux et rouge. Il se prit à courir, entraînant parmi les chaos la bête pesante. Une fureur le poussait. Le puits de Pariou, avec son front découronné et la blessure ouverte de son cratère, lui donnait l'image de sa propre infortune. Et le volcan éteint, c'était lui qui le portait dans son cœur. Quand le père Blaise rentra dans la ferme, il fut surpris de n'y plus trouver Catherine. Où était-elle? Il n'y avait pas bien longtemps qu'elle devait être partie, car le feu venait d'être allumé dans l'âtre et la soupe préparée pour le chien fumait encore dans l'écuelle de terre brune. Tout de suite, il eut l'idée qu'elle s'était rendue au château où demeurait Sidoine, son frère de lait. C'était un garçon original et taciturne, qui ne frayait avec personne et vivait seul au fond de la vieille demeure de ses pères. De temps en temps, Sidoine venait à la ferme pour s'assurer que tout allait bien. Ces jours-là, Catherine prenait un autre visage. Son front resplendissait, ses yeux devenaient plus lumineux et plus grands. Elle semblait prête à parler, tant l'animation intérieure de son être projetait son âme sur ses lèvres. Et dans sa parure, une recherche soudaine apparaissait. Dès qu'elle entendait résonner sur l'air battu du sol les pas de la jument de Sidoine, elle courait à sa chambre et redescendait avec de nouveaux ajustements. Sidoine, en sautant à terre, s'approchait d'elle et l'embrassait sur les deux joues. N'étaient-ils pas orphelins tous deux? Et si puéril que fut le lien qui les unissait, n'était-ce pas quelque chose que d'avoir sucé le lait de la même femme et d'avoir, petit, dormi dans le même berceau? De ces heures lointaines, ils ne se souvenaient ni l'un ni l'autre. Cependant, il savait bien qu'ils ne pouvaient se regarder comme des étrangers. Les joues blanches de Catherine restaient roses des deux baisers que Sidoine y avait posés. Ils se souriaient mutuellement avec une confiance fraternelle. Et quand Sidoine repartait au pas allongé de sa jument, Catherine restait sur le seuil, longtemps encore, debout, à regarder l'horizon. Le père Blaise avait remarqué ces choses. Certainement, si Catherine s'était absentée aujourd'hui, ce ne pouvait être que pour aller voir Sidoine. Mais que pouvait-elle avoir à lui faire entendre de si urgent? Une méfiance traversait l'esprit du vieil homme, qui savait Catherine le point de mire des pensées amoureuses des garçons du voisinage. Souvent, il avait observé leurs allées et venues, et le dédain qu'elle leur témoignait, et il redoutait pour elle quelque embûche. Ah, si elle avait pu seulement parler comme tout le monde, se défendre avec des mots! Mais son mutisme la livrait, pour ainsi dire, aux entreprises des galants peu scrupuleux, en même temps que sa beauté singulière ameutait contre elle la jalousie des autres femmes. N'allait-on pas jusqu'à prétendre qu'elle était douée d'un pouvoir surnaturel? À la messe, le dimanche, on la regardait d'un œil soupçonneux. Tout cela inquiétait confusément le père Blaise, et sans chercher à démêler les fils de cet écheveau embrouillé, il souhaitait que la protection de Sidoine arrivât à propos pour empêcher quelque malheur. Cependant, les travailleurs du dehors étaient revenus, et l'on s'était mis à table. Silencieusement, chacun broyait la nourriture quotidienne. Seul, le père Blaise avait croisé devant lui son couteau et sa fourchette de fer. Il n'avait plus faim. Son inquiétude grandissait, tel un fleuve qu'alimentent d'autres eaux vives. N'y tenant plus, il sortit comme la blanche hôte versait le café dans les tasses. Le château était distant de la ferme de 3 kilomètres environ. En une petite demi-heure, on pouvait s'y rendre. Il allongea le pas dans l'espoir de rencontrer Catherine et de la ramener tranquillement chez lui. Mais la route qui s'étendait au travers de la plaine était déserte. Au château, personne n'avait vu la jeune fille. Sidoine lui-même était absent. Alors le père Blaise planta son bâton dans la terre et attendit. Le soleil caressait la vieille façade branlante, dont les pierres ne semblaient plus tenir que par miracle. Des jets aux ailes bleues fendaient l'air et disparaissaient dans l'épaisseur des grands arbres qui bordaient l'avenue. Et le silence était si profond que la voix du coq au fond de la basse-cour, entourée d'une haie de sureau, semblait formidable. Vainement, Blaise laissa passer les heures dans l'espoir de voir revenir Sidoine et de lui confier ses craintes. Quand il regagna la ferme vers le soir, tout un drame sinistre s'échafaudait dans son esprit. Mais Catherine était là et le salua d'un sourire tranquille. La belle fille avait relevé ses manches plus haut que les coudes et penchée sur un seau d'eau claire, elle tordait du linge qu'elle étendait ensuite le long de la palissade. Le reflet du soleil couchant allumait sa chevelure comme une torche sur son front pâle. Et pour la première fois, le vieux Blaise remarqua la couleur étrange de ses prunelles mordorées et vertes et chargées d'un aimant mystérieux comme celle des félins qui, dans la nuit, luisent autant que des étoiles. Après avoir traîné quelques jours, la vache de Jean-François était morte. Et la colère du jeune homme était à son comble. Il attribuait à quelque maléfice de Catherine cet accident qui le privait de sa meilleure ressource. Et il était bien résolu à se venger. Il en avait gros sur le cœur contre cette créature insolente à qui il avait offert le mariage et qui ne lui avait répondu que par du mépris. D'ailleurs, il n'était pas le seul à la détester et à la craindre. Tous ceux qui avaient cherché à la séduire et qui aussi avaient été repoussés lui gardaient une haine mortelle. Et les femmes ? Les femmes ne demandaient qu'à la voir disparaître. Beaucoup d'entre elles étaient persuadées que Catherine leur avait jeté le mauvais sort. Ainsi, l'aveuglement, la jalousie, la sottise allaient servir à souhait les desseins de Jean-François. Il fallait pourtant attendre une occasion favorable. Bientôt la fête de Saint-Barnabé allait avoir lieu. Catherine ne manquerait pas d'y venir, seule comme toujours, et comme toujours arrogante dans son mutisme, elle danserait au milieu des autres, et par ses regards, par ses gestes, par son haleine, elle essaierait de jeter le trouble autour d'elle. Mais cette fois, personne ne se laissait prendre à ses façons. Sorcière, avec ses prunelles vertes et ses cheveux roux. Si elle ne parlait point, c'est qu'elle redoutait de se trahir. Si elle refusait de prendre un époux, c'est qu'elle avait déjà vendu son âme. Oui, en vérité, l'ancienne puissance maudite avait reparu sur la vieille terre d'Auvergne. Elle s'était réincarnée dans cette fille sans parents, sans amis, que nul ne protégeait. Qui donc aurait pu se vanter d'être à l'abri de ses maléfices, alors que tout dans la nature respire l'épouvante et l'effroi, et qu'au sein des montagnes fertiles coule le feu qui doit un jour tout dévorer, tout détruire? Ah, ces puits où s'est refroidie la lave, ces fontaines dont les eaux pétrifient tout ce qu'elles touchent. Ah, ces nuages qui passent dans le ciel comme des caravanes de fauves. Et ce visage qui apparaît le soir sous le masque blanc de la lune. Que d'esprit, que de génie inconnu peuplent l'espace. Les fils de la terre, les paysans obscurs, courbés sur les sillons, savent bien que leurs oreilles ne peuvent tout entendre, que leurs yeux ne peuvent tout voir. Et crédules, les genoux tremblants, ils subissent l'énigme de leur destin. Donc, Catherine était ensorcelée. C'était certain. La puissance mauvaise habitait ses prunelles vertes. Maintenant, l'on ne se gênait plus pour parler tout haut de ses méfaits. Jean-François avait attaché le grelot et le crime était décidé. C'était si facile. La gueule ouverte du volcan n'était-elle pas là pour l'engloutir? Un coup de main hardi, la chute d'un corps dans l'abîme et l'on serait débarrassé de la créature pernicieuse. Les garçons et les filles pourraient renouer leur ronde sans être obsédés par sa présence muette. Les ombres couvraient la terre et la haute montagne du Dôme était noire de ténèbres quand les jeunes gens vinrent se grouper autour de la chapelle de Saint-Barnabé. Ils portaient au bout de leurs bâtons des lanternes qu'ils suspendirent aux basses branches des châtaigniers. Près de là, un sentier abrupt conduisait au nid de la poule, à l'ouverture du cratère qui mesure 80 mètres de profondeur. Et dans la chapelle, aujourd'hui en ruine, autrefois les filles qui allaient au sabbat se réunissaient autour du bouc dont le faux cornu était surmonté d'un cierge noir. Ce serait là qu'on entraînerait d'abord Catherine. Mais Catherine ne paraissait point, et Jean-François commençait à se tourmenter. Abandonnant la ronde, il descendit seul le sentier abrupt. Sans doute c'était par là qu'elle allait venir. Son œil exercé distinguait dans les demi-ténèbres la masse de la ferme du père Blaise et plus loin la silhouette du château. Il s'avança avec lenteur. Tout à coup, il poussa un cri. Catherine était là, toute droite, le dos appuyé à un arbre, et elle riait de sa bouche muette. Elle riait d'un rire silencieux et terrible qui jeta l'épouvante dans l'âme de Jean-François. Cependant, il s'efforça de garder contenance. « Que fais-tu là ? Qui attends-tu » demanda-t-il. Il savait qu'elle ne pouvait répondre, mais le son de sa propre voix le rassurait. Catherine ne bougeait point. Seule, ses paupières remuaient sur ses prunelles étincelantes, et elle riait toujours de sa bouche ouverte, qui laissait voir la double rangée de ses dents blanches. « Suis-moi, allons !» commanda impérieusement le jeune homme. Elle le suivit. Derrière ses pas, il la sentait qui marchait vite et le poussait presque. Qu'allait-il faire ? Aurait-il le courage de poursuivre jusqu'au bout sa vengeance ? Il le fallait bien. Que diraient ses camarades et les filles surtout, si au dernier moment une faiblesse le prenait ? Puis il se souvenait. Il se souvenait de tout ce qui avait allumé sa rancune. Riait-elle encore derrière lui le long du chemin ? Comme il la détestait à cette heure plus violemment que jamais, et comme il avait peur d'elle aussi, une sueur froide lui mouillait les tempes. Pourquoi le suivait-elle aussi docilement ? N'avait-elle aucun pressentiment du danger qui la menaçait ? Était-elle devenue folle tout à coup, ou bien le bravait-elle une fois encore ? Jean-François avait envie de s'arrêter, de se retourner brusquement pour voir le visage de Catherine. Il n'osait pas, il haletait. La nuit lui semblait peuplée de fantômes. La petite musique des chalumeaux et des musettes, dont il se rapprochait de minute en minute, lui sonnait aux oreilles comme un glas funèbre. Enfin il arriva et jeta Catherine au milieu de la ronde. Il eut un instant d'angoisse. Tous les regards s'interrogèrent. Personne n'osait donner le signal d'exécution. Mais un des garçons, par ruse, étendit son jarret épais et fit trébucher Catherine. Alors on se jeta sur elle et sans lui laisser le temps de se relever, on l'emporta dans la chapelle de Saint-Barnabé. « Cache tes yeux, sorcière !» Catherine était enfermée dans la chapelle en ruine. On la tenait maintenant, on ne la laisserait plus échapper. Et chacun lui jetait des colibets et des insultes. Une des filles, arrachant son fichu, venait de le lui lancer au visage. Mais Catherine ne bougeait pas. Elle promenait des regards paisibles sur toutes ses faces qu'éclairaient les lueurs blafardes des lanternes. Elle laissait toutes ses colères écumer sur elle comme les vagues sur un rocher. « Assez causé !» dit Jean-François, « emportons-la au nid de la poule !» Deux jeunes gens la hissèrent sur leurs épaules et l'on s'engagea dans le défilé de la montagne. On chantait. À mi-hauteur, le nid de la poule arrondissait son cratère béant et noir. On se hâtait. Une joie cruelle dilatait les poitrines. Le vieux sang des ancêtres barbares battait aux tempes de ces hommes voués au labeur obscur de la glèbe. Catherine, sur leurs épaules, était la victime sacrifiée aux divinités infernales. On était arrivé au bord du cratère, et la ronde s'était renouée. Jean-François avait saisi Catherine par les poignets avant de la jeter dans l'abîme. Sa haine s'exhalait dans ce dernier enlacement, mais il pâlit, car il venait de reconnaître Sidoine, qui s'avançait vers lui, menaçant. Par quel chemin le jeune châtelain avait-il passé ? Botté et éperonné, il tenait encore à la main sa cravache au manche d'ivoire, et d'un geste terrible, il faisait le vide autour de la belle-fille. « Le premier qui approche, je le tue !» Alors il eut un silence qui se prolongea longtemps, puis une voix claire s'éleva. « Je t'attendais, Sidoine, merci. » Les lèvres de Catherine s'étaient déliées soudain. Elle s'appuya sur le bras de Sidoine et descendit avec lui le sentier abrupt. Leurs deux formes disparurent dans la nuit. « Vous voyez bien qu'elle était ensorcelée, » fit Jean-François. Et personne ne pensa que l'amour avait fait un miracle. C'était L'Ensorcelé par Jean Berthe Roy.